Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant hier de l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche qui a remporté une victoire de 4 à 3 contre les Red Wings de 3. Ça s'est déroulé au Colorado. Samuel Girard dans la rencontre a été blanchi, a terminé le match à plus 1 et a également joué pendant 22 minutes à 57 secondes. Les Saguenay de Chicoutimi, tant qu'à eux, hier, les Saguenay l'ont emporté 4 à 1 contre le Scénic à Rimouski. À noter que Hendrix Lapierre et Justin Duchamp ont marqué un but 2 passes chacun. Il y a Jérémy Diotte et Vladislav Kotkov qui ont marqué un but 1 passe. Jérémy Fortin de Dolbeau-Mistassini a été blanchi. Au Jeux du Québec, hier, la région de Saguenay-Saint-Jean jouait au hockey pour la médaille d'or. Ils ont perdu 6 à 2 contre la formation Sud-Ouest. À noter que Justin Côté a marqué 5 buts pour la formation du Sud-Ouest. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se retrouve actuellement au 13e rang sur une possibilité de 19. Donc, ils ont maintenant 5 médailles. À noter qu'ils ont une médaille d'or en boxe, 3 médailles d'argent et également une médaille de bronze. Florence Roussel de Jonquière a mérité la médaille d'or en boxe hier chez les moins de 46 kilos. Parlons de golf maintenant. Il y avait l'Assemblée générale du club de golf de Chibougamau qui se déroulait lundi soir à Chibougamau. Et hier, on a parlé dans la section entrevue de danadosport.com, on a parlé avec Michel Lallemand. C'est une année quand même très positive, l'année 2018 au club de golf de Chibougamau. On a terminé avec un profit de 18 000 sur un budget de 350 000 Michel Lallemand explique que c'est quand même une année positive, mais c'est une année pas exceptionnelle. On va l'écouter là-dessus. Si on était là, par contre, au rendez-vous un petit peu moins, probablement parce que beaucoup de belles températures qui ont favorisé aussi les autres activités estivales. Donc, somme toute, une année qui se compare, là, je te dirais avantageusement avec les bonnes saisons, mais pas... Dans un deuxième temps, ben, chose positive, le club de golf de Chibougamau, quand même, recrute bon an, mal an, 4 à 5 nouveaux membres et des jeunes. Et Michel Lallemand explique que le programme qu'ils ont mis sur pied il y a quelques années donne déjà des dividendes. Les questions de golf, hier, Kevin Fortin-Simard participait à un tournoi en Floride. Il a pris le 95e rang sur 118 joueurs. Et hier, le golfeur natif de Saint-Pémy a terminé sa journée de travail avec un plus 7. Et je termine avec du football. Deux acquisitions importantes pour les Cougars de Chicoutimi, ces deux joueurs de Saint-Félicien, Alexis Bradette et Vincent Bouchard. En entrevue hier sur les ondes de danradiosport.com, Nick Menacci, évidemment, était très très content de l'acquisition de ces deux joueurs. Et puisqu'il est question de golf, ben Kevin Fortin-Simard est actuellement en tournoi en Floride. Hier, le golfeur natif de Saint-Prime a joué plus 7. Il a terminé avec une carte de 79, ce qui le place au 95e rang sur 118 joueurs. Et maintenant, puisqu'il est question maintenant de football, hier sur les ondes de danadosport.com, Nick Menacci a indiqué qu'il avait fait l'acquisition de deux joueurs natifs de Saint-Félicien qui vont apporter beaucoup, beaucoup à l'équipe, soit Vincent Bouchard et Alexis Bradette. Et Nick Menacci était très fier, évidemment, de l'acquisition de ces deux joueurs. Étudie dans un programme qui se donne partout, sont en sciences humaines, donc c'est des programmes qui se donnent partout, dans n'importe quel cégep, il aurait pu aller. Je pense que la différence, c'est le groupe de joueurs qu'on a, c'est le coaching staff, c'est l'identité de notre équipe. Ils ont décidé de se joindre à nous autres, ils ont décidé d'embarquer dans le processus. On est vraiment contents, ça va être deux joueurs qui vont avoir un impact rapidement. Dans un deuxième temps, Nick Menacci mentionne qu'ils devront purger une suspension un nouveau règlement du RSEQ, mais ces deux joueurs devraient avoir une chance de s'aligner pour la formation partant. C'est qu'il y a un règlement qui a changé depuis cette année. Les joueurs qui transfèrent de division, c'était pas le cas avant, mais là, les joueurs qui transfèrent de division, eux autres, ils ont des matchs de pénalité. Okay. Donc là, on est dans ça. C'est certain que c'est deux joueurs qui vont avoir, vont batailler pour un poste de partant, puis qui ont des grosses chances d'être partant parce que c'est vraiment des joueurs d'impact. Moi, c'est des joueurs que j'ai recrutés très fort l'année passée, que j'espérais beaucoup avoir dans mon équipe, mais qui avaient fait le choix d'aller en division 1. Donc, c'est certain qu'en revenant, ils arrivent avec un an de plus de football de division 1. Donc, du bon. Donc, avec ta section entrevue de DanoSport.com, hier, on a parlé avec Cynthia Gauthier, qui fait carrière à Monster Truck aux États-Unis. C'est une entrevue fort intéressante. Michel Lallemand vient nous parler, évidemment, du club de golf de Chibougamau. Et Pierre Gay vient nous dresser un bilan des séries éliminatoires dans la Ligue JMS. Sport local et régional à DanoSport.com. On s'en occupe.